Les tripes. Il y avait, en notre paroisse de l'église d'en haut, un clerc nommé Esbin, dont le père était bien le premier homme du monde pour cuire les belles fritures. Or, un jour qu'il apprêtait le dîner de sa femme et de ses enfants, et fricassait des tripes durant un orage, le tonnerre vint à tomber par la cheminée, droit au milieu de la poêle. Mon dit père Esbin s'en trouva d'abord fort ébaubi. Mais reprenant aussitôt son assurance, sans lâcher prise, il continua courageusement sa friture, et ainsi fit faire 5 ou 6 tours de poêle au tonnerre, qui, de mémoire d'homme, n'avait jamais été accommodé à telle sauce. Le père Esbin et ses enfants mangèrent ensuite très bien les tripes, et de fort bon appétit. Il n'y eut que son fils, le clerc, qu'il trouva qu'elle sentait un peu le roussi et lui grattait la gorge. Ce dont il se guérit d'ailleurs, en buvant d'autant. Bien souvent, sans y songer, l'on se voit hors d'un grand danger.